Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leave this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envision the right one. Bonsoir, ici Jean-François Tremblay du Bras de fer des films. Vous écoutez en ce moment un petit épisode bonus. On est jeudi le 3 décembre, il est 23h32. Voilà à peu près une heure, trois quarts d'heure, c'est terminé. The Wiz Live, et comme vous l'avez lu probablement dans la description, c'est de ça que je vais vous parler. En fait, là je suis tout seul parce que je l'ai regardé tout seul. Et je ne crois pas que ça intéressait Steven après avoir écouté The Wiz, le film de 78. La production live de NBC mettait en vedette une jeune femme inconnue, qui s'appelait Shanice Williams, qui a été découverte en audition cette année. Mettait en vedette aussi Queen Latifah dans le rôle du Wiz. Ça mettait en vedette Mary J. Blige dans le rôle de la méchante sorcière de l'Ouest. Ça mettait en vedette Uzo Aduba. Peut-être que je me mélange dans son nom exactement. De Orange is the New Black dans le rôle de Glinda. Ainsi que Neo dans le rôle de l'homme de fer. Common dans le rôle d'un bouncer de la cité d'Emeraude. C'est assez intéressant comme concept. Qui d'autre? L'épouvantail, je ne connais pas son nom. Le lion, c'était David Alan Greer. Et Amber Riley dans le rôle de... je ne retiens pas son nom. C'est une autre sorcière, une bonne sorcière, celle du Nord. Donc c'est ça, c'est une adaptation de la comédie musicale de Wiz qui a été créée en 75 et qui a été tournée en film en 78 par Sidney Lumet, on en a parlé dans notre dernier épisode. Et donc c'était la troisième show live que NBC faisait en autant d'années. Ils ont fait The Sound of Music en 2013, ils ont fait Peter Pan en 2014. Dans les deux cas, ça a été des échecs critiques et auprès du public, même s'ils ont réuni à chaque fois un bon public sur le coup. Par la suite, les critiques ont été assez dévastatrices, autant sur Twitter que chez les professionnels. Ce soir, par contre, ce à quoi on a assisté, c'est une réussite selon moi. J'irais même jusqu'à dire que j'ai assisté à la naissance d'une étoile dans la personne de Shanice Williams, qui était vraiment extraordinaire pour une fille qui n'a pas fait de show professionnellement avant, qui n'a pas fait de film ou quoi que ce soit. Elle a vraiment tenu son bout, comme on dit au Québec, par rapport aux autres actrices comme Queen Latifah ou Mary J. Blige. Elle ne se laissait pas tasser du tout, elle ne se laissait pas du tout effacer, mais elle laissait toujours la place aux autres aussi. C'était toujours fair comme façon d'acter avec les autres en équipe. Et vraiment, porter le show sur ses épaules, elle a une superbe voix. Elle est bonne actrice. Je trouvais qu'elle avait justement la bonne dose d'enthousiasme pour le personnage de Dorothée, ainsi qu'un petit côté sassy qui ne se laissait pas faire du tout. Et en plus, elle est super jolie. Et c'est ça, les autres acteurs étaient vraiment... Amber Riley, dans son rôle, m'a vraiment, vraiment impressionné. Pourtant, je la connaissais, je veux dire, dans Glee, pour le peu que j'ai regardé de Glee, je pense que j'ai regardé une saison et demie, son personnage de Mercedes m'avait vraiment, vraiment beaucoup plu. J'avais fini par l'oublier un peu depuis le temps parce que je regardais plus Glee. Puis là, je me suis rappelé à quel point je l'avais aimée en la voyant. Je suis retombé en amour avec elle. Elle est vraiment extraordinaire. Comme je disais, Neo dans le rôle de l'homme de fer est vraiment beaucoup, vraiment attachant. C'est drôle parce que dans les autres productions, en général, je vais m'attacher au Scarecrow, à l'épouvantail, comme ça a été le cas dans le film original de 39 et dans le... The Wiz de 78, il était joué par Michael Jackson et je m'étais attaché à lui, contrairement à Steven qui n'avait pas du tout aimé l'interprétation de l'épouvantail dans ce film-là. Moi, je m'étais attaché à lui. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment The Tin Man qui m'a vraiment plu. Je ne sais pas, il y avait quelque chose dans le jeu de Neo qui faisait que j'avais envie de le prendre dans mes bras et de le réconforter. Le show, en tant que tel, avait une très bonne direction artistique, les décors étaient superbes, les costumes, les maquillages, j'ai vraiment aimé les maquillages des trois compagnons de route de Dorothée, ça fonctionnait à fond. Les chorégraphies, tous les numéros étaient vivants, particulièrement le numéro de Mary J. Blige, Don't Bring Me No Bad News, si je ne me trompe pas du titre de la chanson. Puis il y avait aussi un numéro chanté par The Wiz, donc Queen Latifah, juste avant qu'elle quitte, si je ne me trompe pas. Je connais pas les noms des les titres des chansons encore dans The Wiz. Je vais finir par les apprendre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le show, puis je vais m'acheter la soundtrack éventuellement et probablement le Blu-ray aussi. Même pas probablement, c'est sûr et certain que je vais vouloir posséder ce show là dans un format physique. Et non, c'est ça, les chorégraphies étaient superbes, la musique très très bonne. Puis je pense que c'est ce qui marche aussi dans ce show là par rapport aux deux autres qu'ils ont présentés les autres années. The Sound of Music, ben la musique fonctionne, c'est des classiques, mais je pense que c'était juste flat, joué par, chanté par Carrie Underwood, puis le Stephen Moyer, je crois son nom, le gars qui était dans True Blood, qui faisait le Capitaine Von Trapp. C'était ordinaire, il y avait pas grand-chose pour aider le spectacle. Et Peter Pan, moi personnellement, je connaissais pas les chansons, j'en connaissais une, je crois. Et j'ai vraiment pas trippé sur le spectacle de Peter Pan l'année passée, puis c'était surtout la faute à Christopher Walken, j'en ai déjà parlé, qui dormait au gaz, là. C'était vraiment affreux. Dans le cas de The Wiz, ce que j'ai à dire, c'est que tout le monde a livré son 100%. J'ai vraiment envie de dire que tout le monde sur scène s'est donné à fond. Il y a personne qui dormait, personne qui n'avait pas envie d'être là, du moins en apparence. Et non, sérieusement, au niveau de tout, l'acting, le chant, tout était superbe. J'ai vraiment pas grand-chose à dire. Pendant tout le long du show, je me suis demandé pourquoi est-ce que Toto avait disparu. On l'a vu un petit peu au début, puis on l'a revu à la fin, finalement. Puis je comprends maintenant son rôle en voyant la fin, tu sais, qui, comme lui, il est là pour représenter la réalité de Dorothée au Kansas et tout ça. C'est sûr que dans un spectacle live, sur une scène, tu peux pas vraiment contrôler un chien. C'est assez difficile. Et je sais pas si c'était ça qu'il faisait dans le show original, de laisser le chien apparaître juste au début et à la fin. Peut-être. Et c'est peut-être ça le concept, en fait. Puis, mais sur le coup, ça m'a un peu dérangé durant le spectacle, parce que je me disais, tu peux pas vraiment séparer Dorothée de Toto. Il a été dans toutes les versions de cette histoire-là. Mais enfin, c'est pas vraiment grave. Et quelle autre chose aussi que je voulais dire? Le côté urbain du film de 78, j'aimais vraiment beaucoup ça, comment est-ce qu'il transposait le pays d'Oz dans un genre de New York crade, qui était à l'image, je crois, du New York des années 70. Ce qu'on retrouve pas vraiment, ben en fait pas du tout dans le show de ce soir. Et ce que je me demande maintenant, c'est est-ce que la production originale de 75, est-ce qu'il y a, dans cette production-là, il y avait ce côté urbain ou non? Est-ce que c'était plus comme ce que j'ai vu ce soir? Parce que ce soir, ça collait quand même assez de près à ce qu'on voit dans le film de 39 et non pas dans le film de 78. Ça sonne. Tu sais, au début, on voit la ferme au Kansas, ce qu'on voyait pas dans le film de 78, où ça commençait dans un appartement new-yorkais. Et donc, non, la pièce ce soir suivait vraiment plus, selon moi, le film de 39. Et c'est peut-être ça, en fait, la pièce de 75 aussi, je sais pas. On a vu l'actrice principale justement de la pièce de 75, elle s'appelle Stephanie Mills. Ce soir, elle jouait la tante M, de la tante de Dorothée. Au début, c'est la première qui a chanté une chanson et je trouve qu'elle a fait une excellente job. Je trouvais que c'était un très beau geste de l'inviter. Et on a vu des vidéos en ligne, en fait, et aussi un making-of que NBC a diffusé la semaine dernière. Mais dans un vidéo en ligne, j'ai vu les deux femmes. Donc, elle, Stephanie Mills, et l'actrice principale, Shanice Williams, chantaient la chanson, le gros showstopper du show qui s'appelle Home. Chantaient ça ensemble et c'était vraiment merveilleux. J'aime le fait que Stephanie Mills a comme donné son approbation par rapport à Shanice Williams. Elle est tout de suite tombée sous le charme de cette jeune actrice-là. Et pour cause, là, l'actrice est vraiment bonne et elle est vraiment charmante et je pense qu'elle va aller loin. Je pense que Janice Williams va vraiment aller loin. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à Stephanie Mills, c'est que je crois, ben j'aimerais en fait qu'on la redécouvre. Je la connaissais pas du tout moi-même et c'est dommage parce que c'est une femme qui doit avoir quoi, 55 ou 60 ans? Si je calcule, ça fait 40 ans qu'elle a fait Dorothée, je sais pas à quel âge qu'elle l'a fait, mais... C'est une femme qui disait en entrevue récemment qu'elle détestait faire des auditions. Elle a toujours détesté ça. Elle est trop nerveuse, vraiment trop réservée, trop gênée. Et ça, je la comprends. Là, je suis comme ça. J'ai fait du théâtre en masse et les auditions, je déteste. Mais c'est un processus obligatoire dans ce métier-là. Et j'aurais aimé qu'elle fasse plus de choses. En fait, je dis ça, puis je n'ai aucune idée qu'est-ce qu'elle a fait. La seule chose que je sais, c'est que je la connais pas du tout, et je me dis, c'est dommage. Peut-être que c'est de ma faute, peut-être qu'il faudrait que je fouille plus un peu qu'est-ce qu'elle a fait. Mais j'ai l'impression que peut-être elle s'est limitée par sa, à cause de sa gêne et tout ça. Et en fait, je dis ça, puis ça me renvoie à ce que je suis moi-même, fait que je devrais peut-être arrêter de parler d'elle et me concentrer à ma propre vie, ma propre gêne et tout ça, puis aller faire des auditions, parce que aller passer des auditions, parce que il y en a plein dans ma ville où j'habite, puis le trois quarts du temps, je les laisse passer parce que je suis trop gêné. Ou parce que mon accent en anglais me gêne un peu. Mais bon, bref. C'est ça, The Wiz, réussite totale selon moi. Uzo à Duba de Orange is the New Black, elle a une putain de belle voix, c'était incroyable, c'était vraiment, vraiment génial. Je veux juste dire des commentaires comme ça, il n'y a rien de négatif, il n'y a vraiment rien, peut-être des petites erreurs techniques ou des... Non, mais rien, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, vraiment. J'ai passé une superbe soirée, ça a duré 2h40 à peu près le spectacle et j'ai... si on enlève les annonces, ça fait peut-être les publicités, ça fait peut-être 2h15 ou 2h. J'ai pas vu le temps passer du tout. Le film de 78 dure 2h15 et après 15 minutes ou une demi-heure, on veut s'arracher les cheveux, on veut tout faire sauf regarder le film. Tandis que là, ça avançait à un rythme qui nous laissait pas le temps de s'ennuyer jamais. C'était le fun, c'était plein de vie, il y avait vraiment un bel enthousiasme parmi les quatre protagonistes principaux, et c'est ça, Mary J. Blige en méchante était superbe, j'utilise tout le temps les mêmes mots, mais c'est tout ce qui me vient à l'esprit, superbe, magnifique, extraordinaire, c'était vraiment très bon. Peut-être que dans quelques mois, je vais changer d'avis en le regardant, en réécoutant la soundtrack, je sais pas. Là, ce soir, c'était un petit peu... C'est sûr que je commençais le spectacle en me disant que je voulais aimer ça. J'espérais que pour, enfin, leur troisième show live à NBC de cette nouvelle tradition-là, j'espérais qu'enfin, ils réussissent à faire quelque chose qui a de l'allure. Et selon moi, ils ont réussi. Je partais avec une envie d'aimer ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Peut-être que j'ai comme pris mon désir pour... puis je l'ai transformé en réalité, mais je pense pas que ce soit juste moi sur Twitter. Tout ce que j'ai cru voir, tout ce que j'ai vu passer comme commentaires, c'était des commentaires positifs. J'en ai vu deux ou trois négatifs sur des milliers de positifs. Fait que, tu sais, je pense que cette année, NBC a vraiment réussi son pari. Moi, je pense que ce soir, ils peuvent se taper sur l'épaule, être fiers d'eux. Le party d'après-show doit être extraordinaire. Le feeling doit être extraordinaire parce que je pense que le buzz sur Twitter est vraiment très bon. Et... mais c'est ça. Ce que je disais au début, c'est que je pense que Shanice Williams est une star en devenir. Je pense, ben en fait, qui est née ce soir, comme je disais, je pense que j'ai vu une star qui est née ce soir. Et non, je suis sûr et certain qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle, que ce soit à Broadway ou ailleurs. Elle a une très belle voix, une très belle présence, excellente actrice, très jolie et une bonne danseuse aussi. Très curieux, j'étais très étonné de l'avoir dansé. Comme je dis, je ne connais pas beaucoup son background personnel parce qu'elle n'a rien fait de vraiment au niveau professionnel, fait qu'on ne peut pas vraiment checker, mettons, sur IMDb ou ailleurs. Et non, elle a été découverte cet été ou au printemps quand ils ont fait des auditions pour le show, fait que c'est une toute nouvelle jeune actrice et vraiment, là, elle était extraordinaire pour pouvoir porter ce show-là sur ses épaules et toute cette pression-là avec grâce, là, elle était extraordinaire à voir à l'écran. Alors, si vous avez l'occasion de pouvoir le voir, j'imagine que ça va être sur DVD très bientôt. En général, ils sortent ces spectacles-là assez vite pour le temps des fêtes. Il me semble que c'est ce qu'ils ont fait dans les deux dernières années. La soundtrack est déjà en précommande sur iTunes. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle va être disponible, peut-être dans les prochains jours. Mais sérieusement, je pense que ça vaut vraiment la peine. Si vous avez le temps de vous pencher là-dessus, faites-le. Si vous n'aimez pas les comédies musicales, je ne sais pas si vous allez aimer ça, si vous n'aimez pas Le Magicien d'Oz, je ne sais pas. Moi, j'aime vraiment beaucoup, je crois que c'est un produit de qualité, je crois que c'est un produit qui va se regarder facilement en famille à toutes les années, ça peut devenir un nouveau classique. Il n'y a rien qui le marque dans le temps, qui dit que c'est un produit de 2015, ça peut être quelque chose qu'on va écouter dans 10 ans et qu'on va avoir autant de plaisir à voir. Je pense qu'ils ont fait une très très belle job. Et non, c'est un beau produit fini, un beau produit complet et tout ça. Fait que non, sérieusement, The Wiz Live, là, je suis très impressionné. Je ne m'attendais pas à aimer ça autant que ça. Fait que je vous quitte là-dessus. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de tous les points que je voulais soulever. Fait que c'est ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci à ceux qui ont été sur le tweet avec qui j'ai... Ben, en fait, il y en a juste c'est Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe d'avoir interagi avec moi. Et ben c'est ça. On se reparle bientôt dans notre prochain épisode. Puis allez voir sur notre chaîne YouTube. J'ai regardé dernièrement plein de films de reliés au Magicien d'Oz. J'en regarde un autre demain, vendredi le 4. Un film de 1925 qui est The Wizard of Oz, une adaptation complète cette fois-là du roman. Et donc, c'est cela. On se reparle bientôt. OK, bye bye. Think of home. Home. Think of home, I think of a place where there's love overflowing. I wish I was home, I wish I was back there with the things I've been knowing. When that makes the tall trees bend into leaning, suddenly the snowflakes that fall have a meaning, sprinkling the scene, makes it all clean. Maybe there's a chance for me to go back now that I have some direction. It would sure be nice to be back home where there's love and affection. And just maybe I can convince time to slow up, giving me enough time in my life to grow up. Time, be my friend, let me start. Suddenly my world's gone and changed its face, but I still know where I'm going. I have had my mind spun around in space, and yet I've watched it growing. Oh, if you're listening, God, please don't make it hard to know if we should believe the things that we see. Tell us, should we run away? Should we try and stay? Or would it be